Ah, on va vous faire une petite préférée à nous. Ça s'appelle « Et on part pour le front, la peur au canon !»